Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va être ensemble pour la prochaine heure. Je vais vous faire part de mes découvertes musicales dans le monde du net audio. Donc, plein de bonne musique à télécharger si ça vous plaît. Téléchargez et surtout, partagez-la. C'est très important. C'est le meilleur commentaire que vous pouvez faire aux artistes. Donc, on va débuter avec deux artistes qui sont sur 33 Recordings. On va débuter avec Nerdy Chimps. Je vais passer la pièce Mantis Fist. Ensuite de ça, ça va être Insom, un artiste grec. Donc, je vous fais passer sa pièce Skycot. Donc, on débute tout de suite avec Nerdy Chimps. The praying mantis is a tiny insect resembling some prehistoric monster or mythical dragon, but it possesses some alarming qualities. Thank you. Thank you. Grèce, c'était Insom avec sa pièce Sky Cut. Avant ça, toujours de la Grèce, c'était Nerdy Chimps avec leur pièce Mantis Fits. Donc, deux artistes qui sont publiés sur 33 Recordings. Vous avez la playlist de l'émission qui est en ligne sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que je joue à l'émission, rendez-vous sur le site et vous allez tout savoir. Vous allez même pouvoir télécharger les pièces que vous entendez. On va poursuivre avec deux artistes qui sont sur l'excellent netlabel Funk. Donc, on va débuter avec Gross Prophet avec sa pièce Cascading Cassandra. Encore un peu de drum and bass, un peu glitchy sur les bases, vous allez voir, c'est très bon. Puis ensuite de ça, c'est PER, un artiste, moi je pense que c'est mon album la semaine. L'album s'appelle Beats Bastard and Basses. Donc, c'est un artiste qui mélange musique lounge des années 60 avec un peu de dubstep. Donc, vraiment un beau mélange, vraiment original comme album. Donc, je vous fais passer deux pièces. C'est tellement bon. Donc, la première pièce s'appelle Leo Arnaud, Taboo versus Benga, Star Wars. Et la deuxième s'appelle Leroy Adidi, Search for Vulcan versus Elwiz Egyptians. Donc, des noms assez évocateurs, vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite Gross Prophet. Oh. Deux pièces qui sont sur un excellent album intitulé Beats, Bastards and Basses. C'est par l'artiste P.E.R. C'est un artiste scandinave. J'ai aucune idée exactement de quel pays. J'ai un petit peu de difficulté à lire. Donc, c'était la pièce Leroy Adidi, Search for Vulcan versus Elwes Egyptian. Avant ça, toujours par P.E.R., c'était la pièce Leo Arno, Taboo versus Benga, Star Wars. Puis avant ces deux pièces-là, on entendait Gross Prophet avec la pièce Cascading Cassandra, du drum and bass assez brutal, ça faisait quand même assez du bien. Donc ces deux artistes-là se retrouvent sur Funk, je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'ils viennent, mais ils ont beaucoup de matériel, puis je vous recommande d'aller faire un tour sur leur site, ça vaut vraiment la peine. Donc on va poursuivre Web Music avec un artiste qui vient du Royaume-Uni, donc, qui s'appelle IDV. Je vous fais passer sa pièce Prologue. Donc, ça, c'est publié sur Trilope Records, un net label qui vient de la Pologne. Mmh. du Royaume-Uni. C'était IDV avec sa pièce Prologue. Ça, c'était publié sur Three Loop Records, un netlabel qui nous vient de la Pologne. Donc, c'est sûr, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Pendant que l'émission, pendant les pièces, vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586 ou par courriel à webmusique@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos questions, commentaires. C'est ça. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter. J'ai un compte qui est quand même assez actif, donc allez faire un petit tour là-dessus, ça vaut la peine. J'ai des trucs qui ne sont pas toujours reliés au domaine du net audio, mais c'est ça, ça peut valoir la peine. Donc, c'est ça. On va faire une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. Ici Marie-Ginette Gay, directrice artistique du Théâtre Périscope. Saison 2010-2011, 9 pièces, 3 mouvements, des visages pour une saison colorée à croquer avec nous. Abonnez-vous à 3, 6, 9 pièces. La saison 2010-2011, une saison à votre image. théâtrepériscope.qc.ca, 418-529-2183, 529-2183. Cultive tes goûts. Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible, avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. CKRL. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Mon nom est Simon Roy et je vais être avec vous pour la prochaine demi-heure. Donc, on va poursuivre avec deux artistes qui sont sur le netlabel Al Dente Records, un netlabel qui vient de la ville de La Rochelle en France. Donc, on va débuter avec Tsubaki, un artiste dont j'ai malheureusement pas plus d'informations. J'ai contacté le label, donc il devrait me fournir plus d'informations. Je vais mettre ça sur la page dès que je vais avoir l'information. Donc, je vais vous faire passer sa pièce Neutral Movement. Ensuite de ça, du Pays de la Loire en France, Sushi Dread avec sa pièce Bilkis Stepa. C'est une version qui est live, donc vraiment intéressante, une pièce quand même assez longue. Donc, à Web Music, on écoute Tsubaki. Thank you.

Vous venez tout juste d'entendre Sushi Dread à l'antenne de CKRL avec sa pièce Bill Kiss Steppa, une version live. Donc, Sushi Dread qui nous vient de du pays de la Loire en France. Avant ça, c'était Tsubaki avec sa pièce Neutral Movement. Donc, ça, c'était deux artistes qui sont distribués sur Al Dente Records, un excellent netlabel qui nous vient de la ville de La Rochelle en France. Je vous rappelle que la playlist de l'émission est disponible sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Puis, si vous manquez des bouts de l'émission, bien, vous pouvez aussi télécharger la balado-diffusion. C'est assez simple. Vous pouvez même vous abonner si vous avez iTunes. Donc, vous allez recevoir les émissions automatiquement. Absolument aucune action est nécessaire de votre part une fois que vous êtes enregistré. Donc, on va poursuivre avec un artiste qui vient de la ville de Jacksonville, en Floride. Pas un artiste, mais plutôt un duo du nom de Rigorous Intuition. Je vous fais passer la pièce No Condor, No Shower. Ça, c'est publié sur Planet Terror, qui vient de la ville de Sheffield, en Angleterre. Puis ensuite de ça, une pièce vraiment spéciale. C'est par un groupe que je soupçonne d'être des Français. Le groupe s'appelle Audace. Je vous fais passer une pièce qui est sur leur album Moustache. Un album vraiment ultra original, un son, je ne sais pas trop comment le qualifier, lo-fi, électro, punk, c'est trash, des voix d'enfants, vraiment un album assez particulier. Je vous invite à le télécharger, c'est pas tous les jours qu'on entend ce type de musique-là. Donc, je vous fais passer leur pièce Polo Metal. Ça, c'est publié sur Pony Club International Records. J'adore le nom du netlabel. Le visuel aussi est assez surprenant. Allez faire un tour sur leur site, vous allez voir, c'est vraiment drôle. Donc, tout de suite, on écoute Rigorous Intuition avec leur pièce No Condor, No Shower. C'était la pièce Polo Metal par le groupe que je suppose français qui s'appelle Audace. C'est publié sur Pony Club International Records. Donc, je vous invite à télécharger leur album Moustache, un album vraiment original. Complètement pété comme la pièce que vous venez d'entendre. Donc, allez tout de suite télécharger, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, on entendait Rigorous Intuition avec leur pièce No Condor, No Shower. Donc, c'est un groupe qui vient de Jacksonville, en Floride. On va terminer l'émission avec une dernière pièce tout de suite après. C'est Docteur Franco qui prend les ondes de CKRL. Donc, on va se laisser sur une pièce du français Tiaz Itch, un artiste. J'ai déjà fait passer plusieurs de ses pièces à l'émission. Je l'adore. Il y a toujours des trucs vraiment originaux. Donc, je vous fais passer sa pièce Chatong Vilka. C'est sur son album Mystique qui a été publié sur Prout Records. C'est sorti, je crois, cette semaine. Ça fait pas très longtemps. Un album vraiment excellent. Donc, ben, c'est ça. On se laisse avec Tiaz Itch. Puis, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. Retour à Québec après 10 ans, Pat Metheny s'installe au Capitole de Québec le 13 octobre. Dans le sillage de la tournée mondiale qui accompagne son dernier album Orchestrion, le virtuose repousse encore ses limites. Seul sur scène mais armé d'une nouvelle technologie qui lui permet de reproduire tous les sons d'un orchestre, Metheny propose de nouvelles architectures musicales et réactualise son univers. Le plus grand guitariste de sa génération vous en fera voir de toutes les couleurs et de toutes les sonorités. Pat Metheny, le 13 octobre, 20h. Billets en vente à la billetterie du Capitole au 418-694-4444 ou sur le réseau Billettech. Québecscope.com, resto. Woo, yeah! Québecscope.com, concours. Québecscope.com, la nuit. Québecscope.com, humour. Québecscope.com, musique. Québecscope.com, spectacle. Qu'est-ce qu'on fait à Québec? Québecscope.com. Québecscope.com. Québecscope.com. Québecscope.com. Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins de Limoilou et CKRL.